Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Oui. Oh, commentaire sportif de Roger Boulot. Salut, Roger. Bon matin. Roger, avant de parler... André Arthur est décédé cette semaine. Et je sais que moi, quand je t'écoutais tous les soirs à la radio des expos, puis t'étais quand même très... André Arthur venait faire souvent son tour au Stade olympique et souvent, il venait faire son tour en onde avec toi. Je me rappelle très bien de ça. Mais André Arthur, c'était un partisan et un passionné de baseball. Il aimait le baseball, il arbitrait au baseball, il faisait des voyages en autobus à des matchs de baseball. Comme passionné de baseball, il était incroyable. OK. Roger, ce matin, je veux que tu t'expliques sur... on va revenir sur ta déclaration que tu as faite au podcast, les buts remplis. Moi, je veux te dire une affaire, je la comprends pas. Je la comprends pas ta déclaration, je veux te dire pourquoi. Moi, j'ai plutôt pensé, c'est qu'un Québec, un jeune qui recevait une bourse d'études de la NCA avait son diplôme. Pourquoi que... Donc, un Québécois qui s'en va, je sais pas moi, pour LSU ou peu importe... Ben, écoute bien, Danny, un joueur de football qui va dans l'université, 9 fois sur 10 n'a pas son diplôme. Yeah. Un joueur de basket, 9 fois sur 10 finit pas avec un diplôme. Ils finissent après leur deuxième année. Auparavant, fait que ça, c'était 4 ans d'université, mais ils ont changé de règlement. Après 2 ans, tu es disponible. Alors, c'est pas différent que nous, chez nous, au baseball. On s'en va là-bas, tu étudies, mais tu ne reviens pas nécessairement avec un diplôme. Oui. Mais tous tes joueurs de basketball collégial maintenant et tes joueurs de football, ils ont tous sont allés à l'université. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont terminé avec un diplôme, sauf s'ils ont fait leurs 4 ans. Mais il n'y en a pas beaucoup qui font 4 ans maintenant. Autant au baseball, au hockey. Fais le tour au hockey, les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui sont à l'université. Qu'au fil, es-tu diplômé? C'est ça comme exemple de ça pour. Oui. Mais combien qu'il y a de joueurs qui reviennent sans diplôme? Es-tu capable de me le dire? Je pense que Baseball Québec est en train de faire une étude sur ça. Puis à la fin de l'année, on va être encore plus au courant. Mais je dirais que c'est le même ratio qu'ailleurs. OK. Mais ça, c'est pas à faute de Baseball Québec. On ne pas confondre. Ça, c'est une décision des jeunes et des parents. Baseball Québec a fait son travail. Il est emmené là. OK. Tu sais, le programme d'ABC au Québec, c'est un des meilleurs programmes sportifs pour les jeunes de cet âge-là qu'on n'a pas au Canada. Okay. Mais une fois qu'ils vont à l'université, c'est plus la responsabilité de Baseball Québec. Alors, quand je dis que je suis très déçu de ça, c'est pas la faute de Baseball Québec. C'est les parents et les joueurs qui décident de ne pas poursuivre leurs études. Écoute, il y a des joueurs qui signent des contrats professionnels. Puis dans leur contrat professionnel, il y a une clause qui dit qu'une fois ta carrière terminée, on va payer tes études. Je dirais que 90% des athlètes le font pas. OK. Mais est-ce que c'est quoi qu'on peut reprocher à un jeune d'aller aux États-Unis de pousser son rêve jusqu'à la limite? Il y a deux choses qu'il ne faut pas que tu oublies. Il y a deux projets. Celui qui s'en va dans un collège 4 ans de renommée comme Alabama, tu s'en vas à Stetson, tu t'en vas en Floride, tu ne peux pas empêcher un joueur d'être là. Nous autres, il faut trouver un programme qui va garder nos joueurs aussi l'été. Parce que l'hiver, on ne peut pas jouer au baseball. On ne peut pas jouer au baseball. Il faut établir un programme pour garder nos jeunes que l'été, qu'ils viennent jouer chez nous et non pas les jouer dans des villes américaines, dans des traveling teams. Empêcher le gars de l'université, non, mais il faut trouver un programme. Et Baseball Québec, avec le baseball junior, doit trouver un tremplin pour garder les joueurs. Est-ce que le sport-études, ce serait l'idéal? Le sport-études est formidable. Ouais, hein? Mais l'été, sport-études n'est pas là. Ouais. Okay. Tu sais, ton sport-études, peut-être un jour tu vas arriver, mais avant d'arriver là, il faut absolument avoir un centre d'entraînement. Un centre d'entraînement de baseball. Tu sais, si tu regardes ce qu'on veut faire avec le hockey, c'est très beau, mais il manque une chose, un centre d'entraînement national. Okay. C'est comme le baseball, ça manque un centre d'entraînement. C'est pas parce que Baseball Québec ne tente pas de le faire, mais t'arrives toujours au côté financier. L'ABC du baseball au Canada avec Robert Fatal fait une bonne job de ce côté-là? Oui, je sais pas. Il est plus là maintenant. Il est plus là. Il est rendu en Ontario maintenant. Okay. Mais il a fait un excellent travail. Et les gens qui sont là aujourd'hui sont aussi compétents. Ouais. Sont aussi compétents. OK. Ça commence cette semaine, le baseball. Moi, ce que j'ai remarqué, la plus belle initiative, c'est qu'il va y avoir des matchs web diffusés. Ça, c'est une belle initiative. Je te l'avais parlé l'année passée qu'il y avait la Ligue de baseball senior du Québec en faisait, puis c'était quand même très professionnel, là, avec les moyens qu'ils avaient. Là, c'était des commentateurs étaient bons, l'image était bonne. On n'aura pas de commentateur tel quel cette année. On veut juste montrer le jeu et ensuite de ça, de faire ça avec les commentateurs. OK. Mais pour commencer, peut-être des places qui vont l'avoir, je ne sais pas, mais c'est pas ça qu'on fait présentement. Okay. Présentement, on va juste diffuser. On va voir si les équipes peuvent le faire avec des commentateurs, je ne sais pas. OK. Ça tu ne forceras pas là-dessus. Mais l'an prochain, ça pourrait devenir, c'est ça? L'an prochain, c'est ça qu'on gagne. Tu sais, c'est toujours le coup, Danny. Oui, oui. C'est-à-dire toujours que ça s'appelle le coup. Alors, le coup, c'est de là qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire exactement. OK. Roger, en terminant, les budgets, ça va pas bien, hein? Oh! Les Blue Jays, rappelle-toi que je t'ai dit en début d'année, il faut qu'ils apprennent à gagner et arrêter de jouer. Tu peux jouer en gagnant, mais tu ne peux pas gagner. Tu peux pas gagner si tu fais juste jouer. OK. C'est sûr. Je pense que les Blue Jays, il faut qu'ils apprennent à jouer du baseball sérieux. Hors des lignes. Je parle dans le vestiaire, je parle dans l'abri. C'est là le problème. Ouais. C'est là qu'il faut faire les changements. Ouais. Roger, un gros merci. On a plaisir de se parler. OK. Notre ami Roger Bullock.